Le pot. Comme il lui est arrivé déjà plus d'un malheur au lit, Poil de Carotte a bien soin de prendre ses précautions chaque soir. En été, c'est facile. À 9 heures, quand Madame Lepic l'envoie se coucher, Poil de Carotte fait volontiers un tour dehors et il passe une nuit tranquille. L'hiver, la promenade devient une corvée. Il a beau prendre dès que la nuit tombe et qu'il ferme les poules une première précaution, il ne peut espérer qu'elle suffira jusqu'au lendemain matin. On dîne, on veille, 9 heures sonnent, il y a longtemps que c'est la nuit, et la nuit va durer encore une éternité. Il faut que Poil de Carotte prenne une deuxième précaution. Et ce soir, comme tous les soirs, il s'interroge. Ai-je envie ? Se dit-il. N'ai-je pas envie ? D'ordinaire, il se répond oui, soit que sincèrement il ne puisse reculer, soit que la lune l'encourage par son éclat. Quelquefois, Monsieur Lepic et grand frère Félix lui donnent l'exemple. D'ailleurs, la nécessité ne l'oblige pas toujours à s'éloigner de la maison jusqu'au fossé de la rue, presque en pleine campagne. Le plus souvent, il s'arrête au bas de l'escalier. C'est selon. Mais ce soir, la pluie crible les carreaux, le vent a éteint les étoiles et les noyers ragent dans les prés. « Ça se trouve bien, » conclut Poil de Carotte après avoir délibéré sans hâte. « Je n'ai pas envie. » Il dit bonsoir à tout le monde, allume une bougie et gagne au fond du corridor à droite sa chambre nue et solitaire. Il se déshabille, se couche et attend la visite de Madame Lepic. Elle le borde serré d'un unique renfoncement et souffle la bougie. Elle lui laisse la bougie et ne lui laisse point d'allumette et elle l'enferme à clé parce qu'il est peureux. Poil de Carotte goûte d'abord le plaisir d'être seul. Il repasse sa journée, se félicite de l'avoir fréquemment échappé belle et compte pour demain sur une chance égale. Il se flatte que 2 jours de suite, Madame Lepic ne fera pas attention à lui et il essaye de s'endormir avec ce rêve. À peine a-t-il fermé les yeux qu'il éprouve un malaise connu. « C'était inévitable, » se dit Poil de Carotte. Un autre se lèverait, mais Poil de Carotte sait qu'il n'y a pas de peau sous le lit. Quoique Madame Lepic puisse jurer le contraire, elle oublie toujours d'en mettre un. D'ailleurs, à quoi bon ce pot, puisque Poil de Carotte prend ses précautions? Et Poil de Carotte raisonne, au lieu de se lever. Tôt ou tard, il faudra que je cède, se dit-il. Or, plus je résiste, plus j'accumule. Mais si je fais pipi tout de suite, je ferai peu et mes draps auront le temps de sécher à la chaleur de mon corps. Je suis sûre par expérience que maman n'y verra goutte. Poil de Carotte se soulage, referme ses yeux en toute sécurité et commence un bon somme. Brusquement, il s'éveille et écoute son ventre. « Oh, oh !» dit-il, « ça se gâte. » Tout à l'heure, il se croyait quitte. C'était trop de veine. Il a péché par paresse hier au soir. Sa vraie punition approche. Il s'assied sur son lit et tâche de réfléchir. La porte est fermée à clé, la fenêtre a des barreaux. Impossible de sortir. Pourtant, il se lève et va tâter la porte et les barreaux de la fenêtre. Il rampe par terre et ses mains rament sous le lit à la recherche d'un pot qu'il sait absent. Il se couche et se lève encore. Il aime mieux remuer, marcher, trépigner que dormir et ses 2 poings refoulent son ventre qui se dilate. « Maman, maman !» dit-il d'une voix molle avec la crainte d'être entendu. Car si Madame Lepic surgissait, Poil de Carotte guérie net aurait l'air de se moquer d'elle. Il ne veut que pouvoir dire demain sans mentir qu'il appelait. Et comment crierait-il? Toutes ses forces s'usent à retarder le désastre. Bientôt, une douleur suprême, mes poils de carotte en danse. Il se cogne au mur et rebondit, il se cogne au fer du lit, il se cogne à la chaise, il se cogne à la cheminée dont il lève violemment le tablier et il s'abat entre les chenets tordus, vaincu, heureux d'un bonheur absolu. Le noir de la chambre s'épaissit. Poil de carotte ne s'est endormi qu'au petit jour. Et il fait la grasse matinée quand Madame Lepic pousse la porte et grimace comme si elle reniflait de travers. « Quelle drôle d'odeur » dit-elle. « Bonjour, maman, » dit Poil de carotte. Madame Lepic arrache les draps, flaire les coins de la chambre et n'est pas longue à trouver. « J'étais malade et il n'y avait pas de peau, » se dépêche de dire Poil de carotte, qui juge que c'est là son meilleur moyen de défense. « Menteur ! Menteur !» dit Madame Lepic. Elle se sauve, rentre avec un pot qu'elle cache et qu'elle glisse prestement sous le lit, flanque Poil de carotte debout, ameute la famille et s'écrie « Qu'est-ce que j'ai donc fait au ciel pour avoir un enfant pareil ?» Et tantôt, elle apporte des torchons, un seau d'eau, elle inonde la cheminée comme si elle éteignait un feu, elle secoue la literie et elle demande de l'air, de l'air ! Affairée et plaintive. Et tantôt, elle gesticule au nez de Poil de carotte. Misérable, tu perds donc le sens? Te voilà donc dénaturée? Tu vis donc comme les bêtes? On donnerait un pot à une bête, qu'elle saurait s'en servir. Et toi, tu imagines de te vautrer dans les cheminées? Dieu m'est témoin que tu me rends imbécile et que je mourrais folle, folle, folle! Poil de carotte, en chemise et pieds nus, regarde le pot. Cette nuit, il n'y avait pas de pot. Et maintenant, il y a un pot, là, au pied du lit. Ce pot vide et blanc l'aveugle. Et s'il s'obstinait encore à ne rien voir, il aurait du toupet. Et comme sa famille désolée, les voisins goguenards qui défilent, le facteur qui vient d'arriver, le tarabuste et le presse de questions. « Parole d'honneur !» répond enfin Poil de carotte, les yeux sur le pot. « Moi, je ne sais plus. Arrangez-vous !»